Chacun prend son plaisir où il le trouve. Et tous les jours qui suivirent, il en fut de même. C'était mathématique, comme disent les personnes qui ne connaissent pas la valeur exacte des mots. Dès que sonnait la demi de 7 heures du soir, nos voisins, ce monsieur et cette dame si réservés, si calmes jusqu'à ce moment, partaient d'un éclat de rire fou et semblaient en proie à une allégresse si désordonnée que la gaieté des héros d'Homère eût semblé près d'elle un pâle sourire. Le monsieur, un sexagénaire décoré, se mettait à gambiller sur le sable de son jardin. La dame, une rondelette et grisonnante matrone, s'asseyait pour se tenir les côtes plus à son aise. Jusqu'à la bonne, qui se convulsait de joie en venant annoncer « Madame est servie !» Il m'arrivait souvent dans la journée de rencontrer le couple par les allées du parc, et rien de son aspect n'indiquait les forcenés rigolos qu'allaient bientôt devenir ces dignes bourgeois. À défaut d'autres explications, j'avais fini par mettre cet excès simultané sur le compte d'une triple loufoquite périodique. Un jour, je devins fort inquiet. Ma bonne, ma pauvre bonne, que rien pourtant ne semblait désigner à une telle névrose, ma bonne, elle aussi, éclatait de rire dès que sonnait la demi de 7 heures du soir, et elle continuait à rire jusqu'à l'heure venue de se coucher. Impatientée, je la pressai de questions. « Me direz-vous, Augustine, de quoi vous riez si fort ?»« C'est les merles, monsieur. C'est les merles qui me font rire. »« Les merles ? Mais quelles merles ?»« Les merles du monsieur et de la dame d'à côté. » Quand l'accès de ma bonne fut un peu calmé, je sus tout. Le monsieur et la dame d'à côté logent, paraît-il, à Paris, dans une maison au 2e étage. Or, le locataire du 1er étage possède un perroquet, dont le tumultueux verbiage prohibe tout repos au locataire de l'immeuble. Réclamation, menace de procès, rien n'a pu modifier cette nuisance. Alors, les gens du 2e étage, mes voisins de campagne, ont imaginé une terrible vengeance. Avant de partir pour la mer, ils ont acheté une 20aine de merles recrutées parmi les merles les plus tapageurs du quai de la Mégisserie. Une vieille femme, demeurée seule dans l'appartement, a pour mission de nourrir ses infatigables jaseurs. Toute la journée, elle tient les persiennes closes. Dès que sonne 7h30 du soir, elle ouvre tout grand l'éclairage électrique de l'appartement et distribue dans chaque pièce les cages de merles. Et allez donc ! Les braves oiseaux, charmés par la factice lumière, attaquent les plus brillants morceaux de leur répertoire, et le concert dure jusqu'à 9h du matin. « Alors, interrompis-je ma bonne, le monsieur et la dame d'à côté rient en pensant à la tête que fait le locataire d'en dessous à partir de 7h30. « Non, monsieur, ce qui les fait le plus rigoler, c'est de penser à la tête du perroquet. » Utilisation de certains résidus industriels. Un jeune ingénieur américain, M. Jim Nott, qui s'est fait une brillante et lucrative situation dans une grosse maison de publicité sous-marine, nous contait dernièrement quelques typiques anecdotes touchant l'industrie moderne. Tous, nous l'écoutions bouche bée, anéantis d'admiration. « Ah, si notre vieux brunetière avait été là !» regrettait chacun. Parmi tous ces récits, malheureusement trop techniques pour être insérés en cette place, j'en ai retenu un, fort susceptible d'intéresser une grande partie des lecteurs et des lectrices de ce recueil. Notre ami Jim Nott nous parlait des résidus industriels dont la science d'aujourd'hui s'est tirée ainsi habile partie. Car il est loin le temps où les savonniers jetaient au ruisseau de profitables glycérines, où les chimistes du gaz ignoraient l'art d'isoler l'éclatante fuchsine, charme de certains châteaux Margaux et de quelques hauts Médocs, dont plus exacte serait l'appellation de bas médiocre. Un exemple entre mille de l'ingéniosité des fabricants non contemporains. Cycliste ou non, vous avez certainement entendu parler de la selle sans bec. Comme l'indique son nom, cette selle est une selle dépouillée de tout bec. Beaucoup de vélocipédistes la préfèrent à n'importe quelle autre, en dépit de son prix un peu élevé. La fabrication de la selle sans bec est des plus simples. On prend une selle ordinaire et on lui enlève le bec. Monsieur L, le fabricant de cet objet, eut un jour l'idée d'utiliser tous ses becs sans emploi et il y réussit à merveille. La principale propriété du bec dans la salle étant de déterminer une certaine inflammation, ce fut un jeu pour monsieur L, un jeu d'enfant, de transformer cette simple inflammation en incandescence et de faire servir ses becs à l'éclairage. Pour une idée lumineuse, voilà, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler une idée lumineuse. Et c'est ainsi qu'on a, chaque jour, l'occasion d'admirer sur les murs de toutes les villes de France une affiche qui vante les mérites de la selle sans bec, à côté d'une autre qui exalte l'éblouissante clarté du bec de selle. Vous me direz qu'il n'y a dans tout cela rien de bien extraordinaire. Parfaitement, vous répondrai-je, mais encore est-il qu'il fallait y penser. L'éternelle histoire de la brouette de Pascal. Aérostation. La question de la navigation aérienne vient, si j'en crois le dernier compte rendu de l'Académie des sciences, de faire un nouveau pas. Monsieur Langlais, américain déjà connu pour quelques idées ingénieuses, et secrétaire de la Smithsonian Institution, a communiqué à la savante compagnie le résultat de ses expériences. Un oiseau à vapeur, construit par lui et pesant 12 kg, s'envola de lui-même et parcourut près d'un kilomètre en une minute et demie. Après quoi, il se décida à regagner le sol. Voilà un résultat coquet et un début plein de promesses. Travaillez, monsieur Langlais. Perfectionnez votre engin et revenez-nous à l'exposition de 1900 avec un aérodrome, c'est ainsi que monsieur Langlais dénomme sa machine, capable d'enlever monsieur Sarcey et de le trimballer sur l'aile des zéphyrs, telle une plume de tourterelle. Un joli spectacle, dites mesdames. Ce problème de la navigation aérienne m'a toujours passionné. À peine au sortir de l'enfance, j'expérimentais des parachutes. Un jour, entre autres, il me souvient d'avoir attaché à un vieux parapluie un panier dans lequel j'avais délicatement posé le chat d'un jeune ami à moi. Nous étions au grenier. Tout à coup, vient à s'élever une jolie brise, nord-nord-ouest, à qui je confiais mon aérostat. Le tout alla se heurter contre le clocher de l'église voisine, au coq duquel le chat, non sans terreur, s'empressa de s'agripper, en attendant qu'un intrépide pompier vînt le quérir. Plus jamais je ne fus réinvité dans la famille de mon jeune ami. Quelques années plus tard, j'eus l'occasion de faire un nouvel essai d'aérostation animale. C'était au quartier latin, en la chaude après-midi d'un dimanche d'été. Nous nous trouvions, quelques amis et moi, dans une brasserie de la rue de Médicis, transformée depuis, mais alors servie par un petit lot de jeunes femmes dont les noms en diront plus que d'épais discours. Ces créatures s'appelaient Totote, Titine, Tata et autres. Une horrible vieille bonne femme dont le nez et le sens très vif des transactions révélaient l'origine hébraïque, ne s'appelait-elle pas d'ailleurs Rebecca Lévy, entra dans l'établissement. Cette personne était de celles qui trafiquent de tout, dans le quartier des écoles, de tout, depuis le collier à 8 rangs de perles jusqu'au modeste bâton de rouge à 10 centimes. Toujours accompagnée d'un affreux et ridicule petit chien, cette retorse créature me dégoûtait abondamment. Pendant qu'elle essayait de vendre un corset à Titine ou à Tata, je ne me souviens plus très bien, j'aperçus à travers les vitres un marchand de ballons rouges qui passait. Vous devinez le reste. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, j'avais débarrassé le bonhomme de sa légère marchandise. Avec la rapidité de l'éclair, la subtile Totote m'avait remis, sous couleur de le caresser, l'odieux roquet. Une lanière passée sous le ventre de la bête vint s'accrocher à la corde des ballons rouges et vogue la nacelle. Je le répète, il faisait terriblement chaud ce jour-là, et les ballons, dilatés au maximum, jouissaient d'une force ascensionnelle peu commune. « Mame Rebecca, Mame Rebecca, votre cabot qui s'envole !» La mère Rebecca, affolée, sort à la hâte. Trop tard, hélas. notre aérostat, déjà à la hauteur d'un bon deuxième étage, file dans la direction de la rue Soufflot. « Suivez-le en voiture, Mme Rebecca, il finira bien par retomber à terre !» La mère Rebecca sauta dans un sapin. Fou de joie, nous sautons dans une autre voiture, Tata, Totote, Titine, deux amis et moi. Et nous voilà partis, les yeux et les bras en l'air, galopant à la suite de la hurlante vieille. « Cocher, par ici! Non, par là! Le voilà qui tourne à gauche! Non, non, à droite !» Les ballons continuaient à filer vers des destinations mystérieuses. Le pauvre chien, qui d'abord avait aboyé comme un putois, semblait se faire une raison. Nous arrivâmes ainsi, avenue des Gobelins, où se tenait ce jour-là une sorte de fête foraine. Un camarade eut une excellente idée. Il saisit un de ces fusils qui servent à tirer les faux pigeons dans les foires et creva un ballon. Alors, tout le système dégringola, pas trop fort heureusement, car l'infortuné Cabot en fut quitte pour la peur. La mère Rebecca en fit une maladie et ne me pardonna jamais les 50 sous de voiture que lui coûtait ma si curieuse expérience. Mukado. Heureusement, tout s'arrangea. Il n'y avait en cette affaire qu'un simple malentendu, et nos relations diplomatiques avec la Chine purent reprendre plus cordiales que jamais. Rappelons brièvement les faits. Dans les différentes occasions où le vice-roi du Pechili se trouva en contact avec les notabilités françaises lors de son voyage en notre pays, on ne fut pas peu surpris de s'apercevoir que ce Chinois ponctuait la conversation de bruits étranges, de petits tumultes incongrus, apanage ordinaire des gens mal élevés. Certaines personnes se contentèrent d'en sourire. « Dame, disait-on, un vice-roi du Pechili !» D'autres messieurs prirent la chose plus au sérieux et prononcèrent les mots de « cochon » et « d'individu qui se f... de la France ». Monsieur Anoto fut tellement affecté de ces incidents qu'il en contracta une soudaine jaunisse, laquelle nécessita son départ immédiat pour Vichy. Mais si notre ministre était aux eaux, de fidèles émissaires suivaient l'homme d'État chinois en Angleterre et surveillaient son attitude. Si le vice-roi du Pechili se tenait silencieux et congru devant sa gracieuse majesté, la France avait le droit de se juger insultée. Au cas contraire, l'honneur était sauf. Cette dernière occurrence triompha, et le vent fut désormais au bruit de paix, si j'ose m'exprimer ainsi. Je trouve dans la Cloche illustrée, un journal havrais des plus intéressants et magistralement dirigé par M. Albert René. De curieux détails sur les incidents qui mirent fin à cette crise diplomatique dont pantelait l'Europe. Tout d'abord, M. Jules d'Ingouville, le correspondant en Angleterre de la Cloche illustrée, relève une erreur commune à tous les Français. On eut tort, en France, de prendre pour irrespectueuses les petites détonations de Li Hung-chang. Au contraire, il fallait les considérer comme autant de manifestations de bonne camaraderie. « Vous voyez ?» signifiait se laisser aller. « Je ne me gêne pas, je fais comme chez moi, je vous considère comme des copains. » Et cela est si vrai que les Anglais, fort connaisseurs en mœurs chinoises, attendaient anxieusement et souhaitaient fort les dites manifestations. Par un sentiment de tact qui lui fait le plus grand honneur, Li Hung-chang réserva la primeur de ses chinoises cordialités pour la famille royale. C'était au cours de la visite détaillée que le vice-roi fit au château d'Osborne. On en était aux écuries. Très fier de ses canassons, le prince de Galles présenta tout d'abord le fameux Parsimone, le crack de son écurie. « Il a battu Saint-Frusquin d'une tête dans le derby d'Epsom, » dit le prince. « Alors, il court très vite ?»« Très vite. »« Eh bien, si vite que court votre cheval, je parie qu'il ne rattrapera pas celui-là. » Celui-là. Vous avez compris, n'est-ce pas, de quoi il s'agissait? La glace s'était rompue. Victoria rit à se tenir les côtes de cette spirituelle boutade. Le prince de Galles, tous ses enfants, les petits connotes et tous les mômes royaux ne s'étaient jamais tant amusés. C'était plaisir que de voir rigoler ces jeunes princes comme de simples va-nu-pieds irlandais. Une heure après, M. Hanotto, avisé de ces incidents, s'écriait devant plusieurs personnes que je pourrais nommer « Beaucoup de bruit pour rien ». Un grand billard. Comme la pluie n'avait pas l'air décidée à ne plus choir, je fis au Captain Cap la proposition de jouer au billard, histoire, ajoutai-je, de tuer le temps. « Hélas !» répliqua Cap. « Ce n'est pas nous qui tuons le temps, mais bien le temps qui nous tue. Alors, seulement pour le faire passer ?»« Hélas !» insista Cap. « Ce n'est pas nous qui faisons passer le temps, mais bien le temps qui nous fait passer. » On aurait pu aller loin avec ce système-là. Aussi, crus-je devoir n'insister point. Et pourtant, j'insistais tout de même. « Volontiers !» obtéra le hardi navigateur. « Mais où ? Ici même, Cap, au premier ! » Car je dois prévenir le lecteur, s'il en est encore temps, que cette scène se passait dans le petit café blanc de la rue Bleue, bien préférable, selon moi, au petit café bleu de la rue Blanche. Cap haussa les épaules. « Un billard au premier ? Vous badinez, mon cher. Un billard qui peut se loger dans un immeuble, si vaste soit cet immeuble, n'est qu'un joujou dérisoire, bon seulement pour garçonnets et fillettes. Ah ! La dernière fois que j'ai joué au billard, tel que vous me voyez, mon cher Alphonse, c'était dans les Nouvelles Galles du Sud. Ah ! Et sur un tapis, dont le petit côté ne mesurait pas moins d'un mile marin et demi. 2 km 778. Peste, mon cher ! Et ma stupeur, l'avouerai-je, se coupa d'un doigt d'incrédulité. « Parfaitement !» fit Cap de sa voix la plus tranquille. Et quand ce diable d'homme m'eut conté son affaire, je reconnus, nom d'un chien, que la monstruosité de son dire n'était qu'apparente. En 1888, Cap, chargé par l'Institut libre de Bougival d'une exploration géologique dans les Nouvelles Galles du Sud, s'aventura au creux d'une large vallée en laquelle la main de l'homme n'avait encore jamais fichu les pieds. Aucune végétation ne s'épanouissait en ces lieux, pour cette excellente raison que la terre végétale y était remplacée par un formidable gisement de malachite. Contrairement au vieux dicton, qui prétend que la malachite ne profite jamais, Cap tira un parti étonnant de cette richesse minéralogique. En un rien de temps, il avait fait niveler horizontalement le bloc de malachite et fondé à Pif Paf Town, la plus proche cité du gisement, le grandiose billard club. Rien que pour le capitonnage des bandes de cet important billard, on eut recours à un peu plus de 6000 quintaux de caoutchouc. Les billes, ingénieuse innovation, c'étaient d'énormes fromages sphériques, dits de Hollande, et composés d'une pâte qu'un traitement assez simple, pyrolinite d'alumine, transforme en ivoire de tout premier cartel. Il ne fallait pas songer, bien entendu, avec une installation aussi démesurée, à se servir de queue, comme vous et moi. Des canons montés sur des affûts roulants, eux-mêmes sur de rapides cable cars du dernier modèle, circulaient autour de l'exorbitant billard et projetaient les énormes boules sur la surface de la malachite. L'habileté du joueur consistait alors autant à bien viser qu'à doser convenablement la charge de la gargousse. Cap m'affirma qu'en peu de temps, ce sport devenait passionnant. Et je n'eus plus de peine à comprendre le mépris qu'il éprouvait pour nos pauvres petits ridicules billards européens.